qui arrive. Les feux de la terre qui l'a quitté. Et dans ses yeux la flamme qu'il n'a pas oublié. Hey, hey, encore un jour. Hey, hey, fait pour l'amour. Hey, hey, et pour toujours encore. Un jour, je ferai près d'amour. Le peuple s'endort sur ses diamants. Le carnage sanglant de son épreuve. Je ne glisserai jamais dans mon cœur. Hey, hey, encore un jour. Hey, hey, fait pour l'amour. Hey, hey, et pour toujours encore. Un jour, je ferai près d'amour. Sous la lune, et sur son...